Vous avez dit, prince, que cette lettre vous avait été envoyée par M. Salaskin? C'est un homme sérieux. S'il vous a écrit que vous alliez faire un gros héritage, cela veut dire... Ça ne veut rien dire du tout, petite Jean, car le prince n'a reçu cette lettre que dans son imagination. Voulez-vous me confier la lettre pour un moment, prince? Je tendis à petite Jean la lettre en question. Il la déplia et se mit à lire. Maintenant, tous les regards étaient fixés sur lui. Ferdichenko, ne tenant pas en place, se rangea derrière son dos. Daria, l'amie de Nastassia Philipovna, semblait assise sur des aiguilles. Quant à Rogojin, il fixait ses yeux brûlants tantôt sur petite Jean, tantôt sur moi. « Eh bien, prince, l'affaire est tout à fait certaine. Vous allez hériter, comme vous le dit M. Salaskin, d'une très grosse fortune, en vertu d'un testament de votre tuteur. »« C'est de la folie pure! Voilà qu'un prétendu Mishkin, qui de surcroît ne jouit pas pleinement de sa raison, va devenir d'un jour à l'autre possesseur d'une grande fortune, alors que mon épouse, une vraie Mishkin et une femme intelligente, n'hériterait rien. Oh non, non, non, monsieur Ptitsin, ce n'est pas possible. Vous avez mal lu la lettre. Je l'ai très bien lu, général. Oui, soit vous l'avez bien lu, mais le testament peut être attaqué. Ce testament est certainement inattaquable. Je le regrette pour vous encore plus que pour la générale Yepanchin. Prince, vous pouvez considérer la lettre de monsieur Salaskin comme si vous aviez déjà l'argent dans votre poche. Tous mes compliments. Vous allez recevoir 1,5 million de roubles et même davantage. Bravo, prince! Hurrah! Vive le prince! 1,5 million de roubles, mon Dieu, mon Dieu! Je veux dire que je lui ai prêté tout à l'heure 25 roubles, comme un pauvre air. Oh, eh bien, il ne me reste qu'à vous féliciter, prince! Et le général Yepanchin s'approcha pour m'embrasser. D'autres le suivirent. Tout le monde s'empressa autour de moi. Certains réclamèrent du champagne. Seule Nastassia Philipovna demeurait assise, jetant devant elle des regards étonnés, comme si elle ne comprenait pas ce qui se passait dans son salon. Tout à coup, se tournant vers moi, elle me toisa avec dureté. Peut-être croyait-elle que mon affaire d'héritage était une mauvaise plaisanterie, mais cela ne dura qu'une minute. Mon aspect paisible la rassura. Alors, elle sourit. « Mais voilà donc, princesse, pour de bon. » Mais pourquoi restez-vous debout, messieurs? Asseyez-vous, je vous prie. Ferdichenko, allez dire qu'on nous sert du champagne. Oh, vous êtes là, mes bonnes servantes. Écoute, Masha, et toi aussi, Katia. Je me marie. Je vais épouser le prince Mitchkin. Il hérite 1,5 million de roubles. Oh, ne trouvez-vous pas cela drôle? Tais-toi, Anastasia. Ne te moque pas du prince. Loue plutôt le seigneur de te l'avoir envoyé. À toi qui... Tu as raison, ma bonne amie, à moi qui... Venez vous asseoir près de moi, prince, puisque vous êtes l'envoyé de notre Seigneur. Plus près, s'il vous plaît. Voilà qu'on apporte le champagne. Levez vos verres, messieurs, et félicitez-nous. Quelques-uns des compagnons de Rogojin se ruèrent vers la table où on servait du champagne. Mais les autres hésitaient à suivre leur exemple. Ils avaient compris le changement de situation et paraissaient déconcertés. Rogojin lui-même se tenait immobile, un sourire amer sur les lèvres. Peiné, je détournai mon regard de lui. C'est alors que le général Yepanchin me tira par la manche. « Vous voici pris dans le filet, prince. Ressaisissez-vous et fuyez. »« Non, général, il est trop tard. » Je tiens le prince, et je ne le lâcherai pas. D'ailleurs, je n'apprécie pas beaucoup votre façon de vous conduire chez moi. Comment ? Maintenant, je suis moi-même princesse. Enfin, je le serai bientôt. Je vous prie de ne pas l'oublier et de vous montrer un peu plus galant. Vous avez entendu ? Le prince ne permettra pas qu'on m'offense. Allez, général, buvez un verre pour calmer votre dépit. C'est bien, très bien. Dorénavant, je vous traiterai avec tous les égards dus à votre nouvelle situation. Mais je ne boirai pas de ce champagne frelaté. Et vous, Afanassi Ivanovitch, vous qui avez été pendant des années mon maître absolu, vous ne me félicitez pas? Vous boudez parce que votre maîtresse se marie. Bon, cela vous passera, mon cœur. Maintenant, je pourrai fréquenter qui je voudrais. Je pourrais même m'asseoir à côté de votre future femme, non? Qu'en pensez-vous? N'est-il pas avantageux d'avoir un mari comme le mien? 1,5 million de capital. Prince. Et de plus un peu idiot, dit-on. En effet. Que pourriez-vous souhaiter de mieux? Mes sincères félicitations. Merci, merci, Afanassy Ivanovitch. Hola, Rogojin. Reprends ton sale paquet. J'épouse un prince, je suis plus riche que toi. Renonce, prince. Désiste-toi. Laisse-moi Nastassia Philippovna. Est-ce en ta faveur que le prince devrait renoncer à Nastassia Philippovna? Regarde cet argent que tu as jeté sur la table, espèce de moujique. Le prince veut se marier pour de bon avec Nastassia Philippovna. Alors que toi, tu es venu ici pour faire du scandale. Moi aussi, je veux me marier avec elle. Et tout de suite, je donnerai tout. Tais-toi, ivrogne! Tu sors du cabaret. On devrait te chasser d'ici. Entendez-vous, ce fils de marchand, prince. Il veut se marier avec moi. Il est ivre, Nastassia, mais il vous aime. Lui, ce fils de marchand, pour qui l'alcool et les tziganes sont toute la vie. Oui, il vous aime, Nastassia. Après tout, c'est fort possible. Il m'aime comme un chasseur qui vise avec son fusil une gazelle et pleure intérieurement. Mais pourquoi te fais-tu son avocat, prince? Ne rougiras-tu pas plus tard à la pensée que ta femme a failli partir avec un Rogojin? Oh, quel nigaud tu es! Non, Nastassia, je ne rougirai pas. Mais vous semblez avoir de la fièvre, vos joues sont rouges et vos yeux brillent. Et si on me disait un jour que ta femme était la maîtresse d'Afanassy Totski? Je répondrais, ce n'est pas de son propre gré que Nastassia Philippovna est devenue la maîtresse de Monsieur Totski. Et tu ne lui reprocheras jamais? Jamais. Prends garde, prince. Tu t'engages pour la vie? Pour la vie, Nastassia. C'est ainsi que je l'entends. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Michkine, Marcel Bozufi, Parfen Rogojin, Jean-Jacques Delbault, les Bedef, Jean Mercury, Ferdichenko, Jean Lemaître, Tidzin, Davin de Chanclos, Afanassy Totski, Michel Bréhé, Daria Alexeyevna, avec Pierre Bertin, le général Yepanchin, et Sylvia Montfort, Nastassia Philippovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.